pleine, les éclairs. Moi, j'ai eu droit à un mistacro sur la marche. Mon Dieu, je vous salue d'une façon bien particulière. Ce que je connais, j'en vois ici quelques visages. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois qu'ils viennent ici? Il y a vous, monsieur. Monsieur, oui. Bon, alors c'est un madame. Bonsoir. Alors je salue tous les habitués et les quelques nouveaux. Est-ce que vous m'entendez bien, oui? Madame, au fond, là-bas, qui avait dit qu'il ne m'entendait pas. Bon, alors, je vous redis bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être en compagnie de gens. Je m'en venais en métro. Puis, il y avait un petit bout de chou d'à peu près 8 ans, avec une belle dentition, des belles lèvres, des cheveux, des petites mains, des petits mots que je ne comprenais pas. Et puis, j'ai passé droit, évidemment. Je suis très intéressé par l'astrophysique, et puis par l'histoire de la création. Peut-être que quelques-uns, des fois, écoutaient Roger Drolet. Puis, vous m'avez entendu m'agiter ou m'émerveiller quand je parle de la grandeur de la nature humaine. Alors, j'ai passé droit, à force de regarder ce petit bout de chou-là de 8 ans. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver devant près de 200... On disait bout de chou à l'âge de 8 ans. On va vous laisser le choix du mot pour maintenant. Alors, on m'a présenté comme théologien, je ne sais pas très bien qu'est-ce que c'est. J'ai étudié à Laval, j'ai fait mes études au niveau de la maîtrise après avoir fait mon bac SA. Ma thèse, c'était l'Église et l'information, parce que je trouve que c'était trop extraordinaire ce que l'on apprend, les gens que l'on côtoie. Tout aussi bien cette petite fille de 8 ans que ces gens qui ont passé des vingtaines d'années à travailler sur un mot, parfois, et puis écrire des livres là-dessus, et puis débiter en 3 heures des cours qui ont une beauté et une sagesse à me refriser. Après ça, j'ai songé à devenir prêtre. Je songe toujours, mais je suis encore bien trop sérieux pour ça. S'il y avait eu plus de rire que ça, je pense que j'aurais fait application demain. Bon, mettons que je ferais application après-demain sur ce deuxième rire. Alors, un théologien, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui cherche Dieu à la verticale, dans les livres, et puis finalement le découvre dans la personne humaine. Qui n'a pas le goût de convaincre personne, qui a juste le goût de passer l'éternité avec des gens, mais qui s'aperçoit qu'il y a une méthode pour accéder à l'autre. Saint Augustin, qui avait fréquenté plusieurs gens en recherche, disait cherchons ensemble la vérité, que personne ne prétende la connaître, n'est-ce pas? J'ajoutais, elle est un effet de l'amitié ou de la preuve, c'est la joie. Puis quand je parle de joie, je pense toujours à notre ami Daniel. Je ne sais pas pourquoi, je suis associé à Saint Augustin ou à la joie, mais je trouve qu'il y a une façon que vous appréciez de dire les choses qui est neuve et qui est emballante et qui fait que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens un peu partout à travers le monde. Et il y a quelque chose de neuf ce soir. Non seulement ce petit bout de chou de 8 ans et ses quelques représentants, mais aussi quelqu'un que vous aimez bien, que je m'empresse de vous présenter. Daniel, si tu veux bien venir partager avec nous, que l'on accueille. Il s'est rapproché. Il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts et un peu dans son verre depuis le temps qu'on prévoit se rencontrer tous les deux. Bien qu'on s'est vu quelques fois. Ah ben oui, bien sûr. On s'est précisément rencontré chez Roger à l'émission de Sommeil Interdit. Dans un cours de boxe à un moment donné. Voilà. Comme vous voyez, on était plutôt spectateurs. Vous n'êtes pas sûr que... Est-ce que vous me regardez? Vous n'avez pas l'air d'être sûr que j'étais spectateur? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans, madame? C'est que j'ai gagné. Bon, attaquons!

Le mal ne peut pas exister sans la permission. Alors, quand Lucifer a créé un paquet de choses, il a créé l'absence de bien. Il a créé le désir dans l'homme d'évoluer. Le vieil homme. Ah oui, le désir dans l'homme d'évoluer. Voilà. L'homme nouveau ne peut pas évoluer. Puis Daniel Kahn et Jésus-Christ, etc. vont créer l'homme nouveau. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, disons, prenons encore le temps qu'il faut. On va faire une petite pause de 20 minutes. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet ou sur ces sujets-là, vous les écrivez sur papier et on revient après. Alors, je te remercie. C'est moi qui te remercie.